Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 65. De la mutilation des membres. De la mutilation, des coups, de l'incarcération, circonstance aggravante. 1. Est-il quelquefois permis de mutiler un homme? L'ancienne loi disait, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, Exode 21-24. Donc il est permis de mutiler quelqu'un d'un membre. L'autorité judiciaire, ayant le droit d'ôter la vie à un homme pour des crimes majeurs, peut aussi le mutiler d'un membre pour des fautes moins graves. Aucune personne, dans la vie privée, ne peut licitement mutiler un homme saint. Celui-ci y donna-t-il son consentement? La mutilation serait une injustice envers la société, à laquelle appartient chaque individu avec toutes les facultés qui constituent son être. Mais, si un membre gâte et menace le corps, on est en droit de l'amputer avec le consentement du malade, afin de pourvoir au salut du corps entier, car chacun est chargé de sa propre conservation. Pareillement, celui qui doit veiller à la vie d'un autre peut autoriser l'amputation d'un membre gâté. Mutiler un homme dans d'autres cas, c'est une action absolument illicite. Note. Il n'est pas permis de se mutiler pour se soustraire au danger de péché. Le salut spirituel peut toujours être obtenu par d'autres moyens. Tout péché dépend de notre volonté. La mutilation, d'ailleurs, ne détruit pas la concupiscence, elle la rend au contraire plus gênante. Le remède le plus efficace contre les tentations, c'est de mettre un frein aux pensées de l'esprit. Fin de la note. 2. Est-il permis aux parents de frapper leurs enfants et aux maîtres de frapper leurs serviteurs? Nous lisons dans l'Écriture, « Celui qui épargne la verge est son fils. » Proverbe 13, 24. Ne refusez pas la discipline à votre enfant, si vous le frappez avec la verge, il ne mourra point, et vous délivrerez son âme de l'enfer. Proverbe 23, 13. Des tortures et des fers à l'esclave mal intentionné. Ecclésiastique 33, 26 et 29. Moins nuisible au corps que la mutilation, la correction manuelle ne saurait appartenir, cependant, qu'à celui qui a autorité sur un autre. Les pères et les maîtres, qui ont autorité, les uns sur leurs enfants, les autres sur leurs serviteurs, peuvent l'infliger dans un but de correction et d'instruction. Note. Lorsque saint Paul recommande aux parents de ne point pousser leurs enfants à la colère, et aux maîtres de ne point user de menaces envers leurs serviteurs, il ne leur défend pas de les frapper ou de les menacer dans la vue de les corriger, il défend seulement de les frapper ou de les menacer sans discernement ni réserve, la modération devant présider à toute discipline. Éphésiens 6, 4. Remarquons ici que le pouvoir du père et du maître ne s'étend pas au-delà de la correction manuelle, une correction plus forte implique une puissance plus grande que celle dont ils sont investis. Fin de la note. 3. Est-il permis d'incarcérer un homme? Incarcérer un homme ou le retenir captif d'une manière quelconque est une action illicite, à moins que cela n'ait lieu d'après un ordre de la justice, comme châtiment ou comme mise en prévention. Note. Abuser par le péché de la liberté de nos membres, c'est mériter d'en être privé par l'incarcération. Il est nécessaire, toutefois, que la puissance publique intervienne, car par là on met un homme dans l'impossibilité, non pas seulement de faire le mal, mais de faire le bien. Fin de la note. 4. Les péchés précédents sont-ils plus graves quand ils sont commis contre une personne liée à d'autres? Plus sont nombreuses les personnes sur qui rejaillit une injure, plus, toutes choses égales d'ailleurs, le péché est grave. Pourquoi commet-on un péché plus grief en frappant un prince qu'en frappant une autre personne? Parce que l'injure retombe sur la société entière. L'injure faite à une personne qu'un lien quelconque unit à une autre en frappe deux à la fois, et le péché est par cela même plus grand, bien que, à d'autres égards, le péché commis envers une personne qui n'est liée à aucune autre puisse l'emporter parfois, soit à raison de la dignité dont cette personne est revêtue, soit à cause du mal qui lui est fait. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.